Le 6 avril, le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié un mémorandum sur la responsabilité américaine du risque d'une guerre thermonucléaire créée dans la péninsule coréenne, ainsi que sur la justesse et la légitimité du choix autodéfensif indispensable de la Corée face à l'actuelle situation. Il indique notamment: la République populaire démocratique de Corée a averti des dizaines de fois que c'est une déclaration de guerre contre elle à chaque provocation sérieuse des États-Unis et de leurs suivistes, et affirmé que toute la responsabilité des conséquences retombera sur les provocateurs. Les menées de suppression perpétrées par les États-Unis avec leurs suivistes contre la République populaire démocratique de Corée constituent sans aucun doute l'acte et le crime de guerre, vu les articles du droit international reconnus par le monde entier. Nous avons le droit légitime d'opposer les frappes préventives décisives aux menées d'agression et de guerre réelle et intégrale des États-Unis. Notre choix autodéfensif face aux actes d'hostilité et de guerre des États-Unis sera une guerre de la justice pour éliminer une fois pour toutes les foyers de l'agression et réaliser la réunification de la patrie vue de notre nation. Si une guerre éclate dans la péninsule coréenne, la responsabilité retombera sur les États-Unis qui nous ont menacés d'une pléthore de biens stratégiques nucléaires et des moyens d'opération spéciales au bout de la constante hostilité, sans égard à celui qui a livré les premières frappes. Au cas de nos frappes, seules les installations militaires des États-Unis et de leurs suivistes qui nous visent seront ciblées avec précision, et en tant que signataires de la Convention de Genève du 12 août 1949, nous ne manquerons pas d'observer les règlements correspondants. La société internationale doit regarder correctement la grave situation créée dans la péninsule coréenne par les menées de guerre d'agression des États-Unis et respecter le choix d'autodéfense de notre République.